الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous sommes arrivés à la 37e leçon de cette série de Duros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Bon, nous avons déjà commencé la branche de la signification, de la sémantique, science relative à la signification, ce qu'on appelle ilm al-ma'ani, et nous avons traité le thème de l'insha et du khabar, du style performatif et du style constatatif. Bon, retenez bien une chose, c'est que bon, quand on parle de khabar, ou style énoncé et constatatif, c'est toujours, bon, c'est des phrases qui acceptent, qui reçoivent une valeur de vérité ou non. D'accord, c'est ce qui les distingue de l'insha. Le khabar, c'est une information. Je donne une information. Inna Allah ghafoor rahim, ça c'est une information. D'accord. Mais l'insha, c'est les autres formes. C'est ce qui est autre que l'information, à savoir l'interrogation, à savoir l'ordre. Quand j'ordonne à quelqu'un de faire quelque chose, il va pas me dire est-ce que cette parole est une parole de vérité ou est-ce que tu as raison, est-ce que tu mens. D'accord. Quand là, c'est tout ce qui concerne l'ordre, l'interdiction, l'espoir, l'invocation, tout cela, on l'appelle insha'. Ces styles-là sont des styles insha'i, qui n'ont pas la valeur de vérité ou de mensonge. Quand on lit, on ne dit pas que, bon, est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux. D'accord? Parce que, bon, c'est quelque chose qui est distinct du khabar, de l'information qu'on peut, à laquelle on peut croire, qu'on peut qualifier de vrai comme on peut qualifier de fausse. Aujourd'hui, Inch'Allah, bon, nous allons traiter le deuxième thème des sciences du ma'ani, des sciences de la signification, à savoir al-hasr wal-ikhtisas. Al-hasr wal-ikhtisas, le style restrictif et le procédé de mise en valeur. As-Suyuti lui consacre le 55e chapitre de son Itqan. On dit le hasr et on dit le qasr. C'est la restriction, c'est-à-dire attribuer une qualité à la personne mentionnée et exclure ce qui n'est pas mentionné. Restreindre l'attribut à une personne en dehors des autres. La restriction, le hasr, se réalise de différentes façons, dans les suivantes. Premièrement, la négation suivie de l'exception. Ça, c'est clair. Exemple. Simple, la ilaha illallah. Innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun dans surat Saffat. La ilaha illallah, qu'est-ce que j'ai? J'ai une négation, la particule de négation la, est suivie de la particule d'exception. D'accord? Illa. Et quand on leur disait, il n'est de Dieu sauf Allah, ils s'enflent. Et s'enfler d'orgueil. Ça, c'est la traduction du verset que j'ai cité. La ilallah, il n'est de Dieu sinon Allah. Il n'est de Dieu qu'Allah. Donc, j'ai une négation et j'ai une exception. Il n'est de Dieu sauf Allah. D'accord? Entre les deux, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai restreint. D'accord? Il y a là une restriction. On exclut toute créature. On restreint la divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on l'appelle le hasr. Un autre exemple, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولِ. Mohammed n'est rien d'autre qu'un envoyé. Là, c'est une restriction. D'accord? Je décris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le seul attribut qui est la prophétie, qui est un envoyé. D'accord? مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ. Dans surat al-Ma'ida, c'est Isa alayhi salam. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Donc ça, c'est une restriction. Je n'ai rien dit d'autre que ce que tu m'as ordonné. J'ai limité la parole à ce que tu m'as ordonné. On appelle ça al-hasr. Et ça, c'est une forme de hasr, une forme de restriction. Deuxième forme, c'est la phrase suivie de إنما دو لا بارتيكول إنما إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به دو سورة البقرة. Il n'a déclaré illicite pour vous que la chair de bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Donc j'ai là une restriction introduite par la particule innama. Il n'y a que ces choses-là qui sont illicites. C'est ce que je dois comprendre au départ. Hein? Sinon, il y a d'autres choses illicites. Mais c'est ce que je dois comprendre du verset. Quand je lis ce verset-là, c'est ça. C'est comme ça qu'on procède. C'est de cette manière qu'on procède pour la compréhension des textes. Hein? Donc, j'ai ce texte-là avec cet élément-là, avec ces outils-là de restriction. Innama. Donc, je comprends qu'il y a restriction, que le tahrim se restreint à ces choses-là. D'accord ? Avant de voir d'autres textes et faire par la suite la corrélation, la conciliation entre les différents textes. Est-ce que ce texte c'est général, etc. À portée générale, restreint, muhkam, mutashabih, etc. Donc ça, j'ai une restriction introduite par la particule innama. Surat al-Baqarah, innama haram alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir. Un autre exemple, innama al-ilmu 'inda Allah dans sourate al-Ahqaf. La science n'appartient qu'à Allah. La science n'appartient qu'à Allah. Je restreins là. Là, il y a une restriction. La vraie science, la science parfaite, appartient à Allah. Innama yatadhakkaru ulul albab. On saisit le sens, ceux qui sont dotés d'intelligence. Dans sourate al-Ra'd. Innama yatadhakkaru ulul albab. Là, il y a restriction. Seuls ceux qui sont doués d'intelligence s'en rappellent. Et puis, il y a ici une figure de style. Il y a ce qu'on appelle ta'arid, sous-entend. Ça sous-entend que les autres sont stupides. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, on saisisse le sens, ceux qui méditent les signes d'Allah, sont ceux qui sont dotés d'intelligence. Ça sous-entend que ceux qui ne sont pas dotés d'intelligence, qui n'usent pas de leur intelligence, ne méditent pas les signes d'Allah. Les gens stupides ne méditent pas les gens d'Allah. Donc ça, c'est un ta'arid. C'est un sous-entendu. Il y a une figure de style ici. Innama, vous savez, innama, c'est inna. C'est une particule d'affirmation. Inna harfu nasbin wa ta'kid, qui régit le sujet à l'accusatif et le khabar, le prédicat au nominatif. Inna Zaydan qa'imun. Zaydan, il est à l'accusatif, il est mansoub. Et qa'imun, il est marfou qa'imun. Parce que c'est inna qui a fait tout ce qui a régi tout cela, cette phrase-là. D'accord? Inna. Mais quand la particule ma intervient, inna ma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque l'effet syntaxique de inna. Vous savez, inna est toujours suivi d'un nom. N'est jamais suivi d'un verbe. Mais quand on y ajoute ma, on peut mettre le verbe. Innama yatadhakkaru. On peut pas dire inna yatadhakkaru. C'est impossible. Inna, il est suivi du mubtada, qui le régit à l'accusatif. Innama, là, on peut ajouter le verbe. Innama yatadhakkaru ulul albab. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah, les savants, notre serviteur, ce sont les savants. Donc, innama. Et aussi, quand ma intervient, qu'est-ce qu'elle fait? Inna ne gère plus le sujet à l'accusatif. D'accord? Vous savez, quand je dis, inna zaydan qa'imun. Inna l'ilma. Azimun, inna l'ilma. Mais dans un verset, comme le verset de Surat al-Ahqaf, innama l'ilmu inda Allah. Là, ça comporte une damma. C'est-à-dire que inna n'agit plus sur l'ilmu. Il n'agit plus. Il ne transforme pas le ilmu à l'accusatif. Parce que ma, il casse cet effet-là. Ça, c'est un rappel en grammaire. Bon, j'ai dit la négation suivie de l'exception est une forme de restriction. Il introduit la restriction. La restriction, la phrase suivie de innama. Et l'antéposition est aussi une forme de restriction. J'ai le pronom comme par exemple dans Al-Fatiha, exemple clair. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, bon, iya, c'est le pronom, c'est il remplace le complément d'objet direct. Iyaka, ça veut dire c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Remarquez avec moi la phrase c'est toi que nous adorons et la phrase nous t'adorons. Il y a une différence. C'est toi que nous adorons, ça c'est une restriction, ça veut dire que nous n'adorons que toi. D'accord? Mais si quelqu'un dit nous adorons Allah, ça veut pas dire, ça n'exclut pas le fait qu'il peut adorer quelqu'un d'autre. Mais quand j'inverse, je mets le complément avant le verbe, hein, là c'est une restriction, ça veut dire que nous n'adorons qu'Allah. Dans sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'budu. Hein? Iyaka, le complément, j'ai le pronom disjoint, Iya, hein, qui remplace le complément, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça introduit une restriction. Autre forme de restriction, il y a le pronom de séparation. Il sépare entre le prédicat et l'attribut, entre deux noms définis. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fallahu huwa al-wali. Allah wali, c'est-à-dire Allah est protecteur, Allah il est mubtada et wali. Bon, il est le khabar, il est le prédicat, mais là je les sépare. Quand le verset les a séparés par huwa, ça introduit la restriction. Ça veut dire qu'il est le seul protecteur, n'est-ce pas? Qu'il est le seul wali. Amittakhadhu min dunillahi awliya. Fallahu huwa al-wali. Ça c'est dans sourate Shura. فإن الله هو الغني الحميد dans sourate Al-Hadid. Allah lui seul le riche et le digne de louange. فإن الله, d'accord, j'ai la particule inna qui est un intensif, Allah, et puis j'ai le pronom disjoint huwa qui introduit la restriction. Ça veut dire qu'Allah est le seul le riche et le digne de louange. Le démonstratif, ceux-là sont ceux qui ont le succès. Et que ça s'introduit aussi la restriction. Inna shani'aka huwa al-abtar. Oulaika, bon, j'ai le démonstratif et j'ai le pronom disjoint qui est hum, hum al-muflihun. Ça veut dire qu'ils sont les seuls qui jouiront du succès spirituel. Et j'ai dans Surat al-Kawthar, inna shani'aka huwa al-abtar. Celui, c'est celui qui te hait, c'est celui-là qui est privé de postérité. C'est celui huwa, ça veut dire qu'on restreint, c'est celui-là exactement qui est privé de postérité. Bon, il y a d'autres, déjà Suyuti rahimahullah, il en a cité 14 formes de restriction. Bon. Parmi les thèmes qui font l'objet d'études de ilm ma'ani, il y a le style concis et le style prolixe. Enfin, je parle prolixe, prolixité positive. Enfin, prolixe, faut pas le prendre dans ce terme-là dans le sens péjoratif, dans le sens négatif. Hein. L'ijaz ou l'etnab. La concision et le développement, si vous voulez. Ou la prolixité, mais comprenez-le dans le sens positif éloquent. Prolixité éloquente, comme ça, vous évitez toute connotation négative. L'Ijaz ou l'Itnab, c'est le 56e chapitre de l'Itqan. L'Ijaz, هو التعبير عن المعنى المراد بأقل من عبارات متعارف الأوساط. أقل بعبارات متعارف الأوساط. والإطناب هو التعبير عن المعنى المراد بأكثر من عبارات متعارف الأوساط. Ça c'est la définition de l'imam de Sakaki, le rhétoricien connu, l'auteur de Miftah al-Ulum, la clé des sciences. Sakaki, c'est un rhétoricien. Bon, il est mort dans les années 600 de l'Hégire, ça fait 8 siècles. La concision, il a défini comme ça, la concision, c'est le fait d'exprimer une idée en moins de mots, moins d'expressions que celles employées normalement dans un milieu déterminé. C'est le fait d'exprimer une idée en moins de mots que que ceux employés normalement dans un milieu déterminé. Et la prolixité, c'est le fait d'exprimer une idée en plus d'expressions, en plus de mots que ceux employés dans un milieu, hein, déterminé. Donc ça, c'est la définition de Sakaki. Donc d'après cette définition, la concision et la prolixité sont des questions relatives. Ce qui est considéré comme concis dans un milieu ne l'est pas dans un autre. D'accord? Et ce qui est considéré prolixe dans un milieu ne l'est pas dans un autre. Cela dépend, hein, des cultures. La concision est une caractéristique de la langue arabe. Certains rhétoriciens sont allés jusqu'à dire que la rhétorique, c'est la concision. La concision elle est plus difficile que la prolixité parce que bon, il faut faire un effort intellectuel pour choisir les mots qui conviennent et les expressions de synthèse. Le professeur Salam, il a dit, Utitu jawami al-kalim, j'ai reçu le don de la concision, le don d'exprimer des paroles de synthèse. La concision est de deux sortes. Elle est de deux sortes. Il y a l'omission ou la prétérition, l'omission, ijaz ou hadf, l'omission, je vais l'expliquer. Il y a la concision proprement dite, la brièveté, hein, le résumé, ijaz ou qisar, c'est ce qu'on appelle ijaz ou qisar. Qisar veut dire court. Alors, c'est quoi le hadf ou la prétérition, l'omission en rhétorique arabe? Ben, c'est le fait de se passer d'une partie d'un mot ou d'un mot complet, ou d'une phrase, ou de plusieurs phrases, en raison d'un contexte et par souci rhétorique, pour une raison rhétorique. C'est ça le hadf, c'est ça l'omission. On distingue l'omission d'une lettre. Ça, on l'a déjà vu. Exemple. Inna Allaha la yazlimu mithqala dharra, wa in taku hasanatan yudha'ifa, wa in taku Allah ne lésera pas, fût-ce pour une action équivalente en importance au poids d'une fourmi. Si c'est une bonne action, il la multipliera en grand nombre de fois. Allah ne lésera pas, fût-ce pour une action équivalente en importance au poids d'une fourmi. Et si c'est une bonne action, il la multipliera en grand nombre. D'accord, inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan wa in taku à la base wa in takun, c'est le verbe kana, la particule in, c'est une particule conditionnelle, donc elle a agi sur le verbe takunu wa in takunu takunu. Donc quand elle a agi sur ce verbe là, bon, il a enlevé le waw, hadf le waw, wa in takun à la base, wa in takun, parce que kana yakunu est mis précédé par cette particule-là. Cette particule, qu'est-ce qu'il fait? Elle enlève le waw. Elle a le même rôle que lan, lam aussi, lan akuna, non, lan, ça n'a pas ce rôle-là. D'accord? Mais lam, c'est le jazm, il joue le rôle de jazm, donc elle enlève le waw. Lam aqul, j'ai enlevé le waw. Lam akun, j'ai enlevé le waw. Donc les particules du jazm, c'est lam. Et in aussi, comme dans ce verset-là. Wa in takun, donc il a enlevé le waw, mais ici, c'est écrit dans le Coran, wa in taku, c'est-à-dire sans le noun. Sans, il n'y a pas le noun. Par souci de légèreté. Wa in taku hasanatan, au lieu wa in takun hasanatan. Hein? Mais aussi pour une raison d'éloquence. Pour une raison d'éloquence. En réduisant ce verbe à deux lettres, le verset te dit, t'envoie un message. Quelle que soit cette bonne action, si minime soit-elle, Allah la multipliera un grand nombre de fois. Hein? Une action tellement minime, qu'on a réduit même le verbe qui la précède. Vous avez compris? Qu'on a réduit même le verbe qui la précède. Il était à trois lettres et on l'a réduit à deux lettres. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً. Déjà dans ce même verset, j'ai une omission d'un nom. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. يَظْلِمُ, parce que le يَظْلِمُ c'est un verbe transitif. يَظْلِمُ الْإِنسَان, normalement à la base. C'est Allah. Allah ne lésera pas, ne lésera pas, et puis il manque un nom. Le taqdir, si on met en évidence ce mot sous-entendu, la phrase serait Allah ne lésera pas un homme, ou ne lésera personne, ne lésera pas un homme. La yadlimu ahadan mithqala dharra. Donc j'ai deux hadf ici, j'ai deux omissions ici. Exemple de l'omission d'une particule. Particule maintenant, j'ai parlé de l'omission d'une lettre, là, exemple l'omission d'une particule. La supplique de Zakaria, alayhi salam, dans Surat Maryam. Rabbi inni wahana al-azm minni washta'ala al-ra's shayba. Rabbi inni wahana al-azm minni washta'ala al-ra's shayba. Seigneur, les os me lâchent, j'ai la tête allumée de blancheur, ma chevelure s'est embrasée, ne laissant que des cheveux blancs. Washta'ala al-ra's. Rabbi, là c'est un invocatif, il y a l'omission de la particule interpellative qui est ya, ya Rabbi, n'est-ce pas? Parce que quand on fait Nida, on dit oh mon Seigneur, ya Rabbi. Ici, le ya est, n'existe pas. Ya Rabbi. Et même le ya à la fin, le ya et le alif n'existent pas au début, et le ya à la fin, le ya qui est le pronom qui remplace, qui est possessif en fin de compte. Rabbi, mon Seigneur. Mais là, il y a juste Rabbi. Rabbi. La kasra, il a pris la place du ya. Il n'y a pas le ya. Et il n'y a pas l'interpellatif au début. D'accord? Bon, il y a omission ici. D'accord? Mais pourquoi la raison? Parce que déjà, c'est une invocation à voix basse. Le verset qui précède, lisez-le. Il nada rabbahu nida'an khafiya. Il invoque son Seigneur d'une invocation secrète. Donc il convient, puisqu'il est secrète, il ne convient pas d'employer le ya, oh mon Seigneur. Hein? Puisque c'est une invocation secrète, donc ya Rabbi, Rabbi. D'accord? Et puis il y a une touche de compassion, une touche de miséricorde. Au début de la sourate, hein? Zikr rahmati rabbika abdahu, Zakaria, rappel de la miséricorde que prodigue à ton Seigneur, à son serviteur, Zakaria. D'accord? Et puis il s'agit d'un appel humble, hein, d'un serviteur faible. Donc il ne convoyait pas qu'il crie « Oh mon Seigneur !» D'accord? Parce qu'il a dit « Wahana al-azmu minni »« Mes os me lâchent »« Faiblesse intérieure »« Washta'ala al-ra'su shayba »« La tête allumée de blancheur » Ça c'est, hein, la manifestation de cette faiblesse. La manifestation de la faiblesse intérieure à l'extérieur. Hein? Manifestation de sa faiblesse à l'extérieur. Il convient donc d'employer Rabbi sans l'invocatif ya et sans le suffixe qui est le possessif à la fin. Rabbi, il n'y a pas le ya. Donc il y a une touche de douceur. D'accord? C'est pourquoi c'est le dua, il s'est limité à le mot Rabbi sans l'invocatif. Et sans le suffixe ya. Déjà quand on appelle son enfant, ou quand l'enfant appelle son père avec douceur, comme lorsque Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son père, il lui dit ya abati. Il n'a pas dit abati ou abi. Il a enlevé ce possessif à la fin. D'accord? Il y a une touche de tendresse quand on enlève ce possessif-là. Autre exemple de l'omission du pronom, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Summun bukmun umyun fahum la yarji'un » Sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent pas. « Summun bukmun umyun fahum la yarji'un » de Surat al-Baqara. Summun, sourd, c'est quoi sa nature syntaxique? C'est quoi son i'rab? C'est un khabar. C'est un prédicat. Ou selon le langage des rhétoriciens, c'est un musnad. D'accord? Donc c'est un prédicat dont le sujet, le mubtada ou le musnad, il est passé sous silence. Il est omis. D'accord? Sourd, Muet, aveugle, il ne revient pas. Sourd, qui est sourd? Qui est aveugle? Qui est muet? Donc, en le mettant en évidence, la phrase serait « Ils sont sourds » ou « Les hypocrites » Bon, les versets parlent des hypocrites. « Al-Munafiqoun, hum summun bukmun umyun. » Al-Munafiqoun, summun bukmun umyun. Les hypocrites sont, sont sourds, muets, aveugles. D'accord ? Hum. Ou je peux dire hum summun bukmun umyun. J'utilise le pronom à la troisième personne. Du pluriel, ils sont sourds, muets, aveugles. D'accord? Bon, si je traduis, je mets en accolade ils sont. Comme quoi, bon, c'est pas marqué, mais c'est sous-entendu. Ils sont. Donc là, il y a omission du mubtada. Il y a omission du sujet. D'accord? Du nom, qu'il soit non mentionné, ou du pronom qui le remplace. Ben, pourquoi il a été omis? Ben, parce que le reste de la phrase le désigne. Hein? Sourd, muet, aveugle, bon, ils ne peuvent être que des qualités de ces hypocrites. Donc, ce n'est pas la peine de les désigner. D'accord? Et puisque nous sommes dans la rhétorique, il y a ici une figure de style. Hein. Là, je vous renvoie au ilm al-bayan, la deuxième branche de la rhétorique, à savoir la comparaison. Et là, c'est une comparaison éloquente. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Hein. Le verset les compare aux sourds, aux muets et aux aveugles. D'accord ? Ils sont sourds, muets, aveugles, hein, par rapport à la vérité. Et remarquez avec moi le contraste entre ce passage où il y a omission du pronom hum et le début de la même sourate al-Baqarah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là sont sur la guidance venue de leur Seigneur et ceux-là ont le succès. Regardez cette répétition du démonstratif ulaika ulaika. D'accord? Ici, c'est différent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala répète le démonstratif dans le but d'affirmer que ce sont les muttaqin qui sont sur la voie, la bonne voie, et qui auront le succès et pas d'autres. Ici, le style diffère, style affirmatif, style qui comporte une éloge. Donc, regardez, quand il y a différence de style, la structure de la phrase change, il y a omission ici, il y a affirmation là-bas, etc. Je donne un exemple, c'est plus pédagogique et plus bon, ça va donner plus de renseignements, inshallah. Suivez-moi, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. Allah a dit quand il arrive à un point d'eau. Il, ça désigne Moussa, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam dans sourate An-Naml, dans sourate Al-Qasas, sourate 28. Quand il arriva à un point d'eau de Madian, il trouva une foule de gens qui abreuvaient. Quand il arriva à un point d'eau de Madian, il trouva une foule de gens qui abreuvaient. Je vais traduire sans mentionner les termes omis. Hein? Ou les termes passés sous silence. Je ne vais pas les traduire. Donc, une foule de gens qui abreuvaient. Ummatam minan nas yasqun. D'accord? Wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan. Il trouva deux femmes qui se tenaient à l'écart et contenaient. Contenez ou chassez loin ou repoussez. Wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Contenez quoi? Retenez quoi? Repoussez quoi? Je ne cite pas le terme sous-entendu. Je traduis comme je le lis. Wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Il retenait quoi? Je ne le cite pas. Qala ma khatbukuma. Moussa leur dit. Il leur dit, quel est votre problème? قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. Nous ne pouvons, répondirent-elles, abreuver. Là, je ne cite pas qu'est-ce qu'il abreuve. D'accord. Nous ne pouvons, répondirent-elles, abreuver que lorsque les bergers seront partis. Notre père est un cheikh âgé. قالت لا نصدر لا لا لا, لا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. Il abreuva alors pour elle. Il abreuva qui? Je ne cite pas parce que c'est comme ça que c'est dans le verset. Alors, ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون. Quand Moïse arriva à un point d'eau de Madian, il trouva une foule de gens qui abreuvaient. Ils abreuvaient quoi? Des moutons, des chameaux, des bêtes. Non, c'est pas cité. Il trouva deux femmes se tenant à l'écart qui retenaient. Retenaient quoi? Là, j'ai le verbe zada qui signifie repousser, retenir, défendre. Mais attention, ce verbe renvoie à certaines idées, certaines notions. Car le zaoud, qui a la même racine que le verbe dada, zada, désigne entre 3 et 10 chameaux. Hein? Donc le no, et donc le. Ça me renvoie aux bêtes de troupeaux, aux chameaux. Et le nom mazad signifie le pays où paissent les bestiaux. En plus, le verbe zada et le terme ma, eau, implique l'existence de bêtes, le fait d'abreuver des bêtes qui sont certainement des chameaux, mais ils peuvent être des brebis. قالت لا نسقي حتى لا j'analyse. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. Nous ne pouvons abreuver que lorsque les bergers seront partis. Remarque avec moi l'omission du complément qui désigne les chameaux ou d'autres bêtes. Hein? D'accord. La نسقي qui abreuver sans mention du troupeau, qui retenait, sans mention du complément, qui est troupeau. D'accord? Donc j'ai ici une omission. D'accord? Nous ne pouvons abreuver, pas de mention de troupeau. Il abreuva pour elle. Et il n'a pas mentionné. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de mention de troupeaux, des bêtes, des chameaux, des chèvres ou des. Pourquoi? Pour mettre l'accent sur l'acte. Et sur le service rendu. Ça, c'est l'une des subtilités de la langue arabe. Et du Coran aussi, parce que le Coran, subhanallah, il met l'accent sur le verbe, sur l'action. Sur, comme quoi le musulman doit agir. Et que le Coran, et subhanallah, quand on le lit, il est en pleine mobilité, en plein mouvement. Parce qu'il y a beaucoup de verbes à l'intérieur. Et même les noms, ils sont en majorité des noms d'action. D'accord? Bon, donc pour mettre l'accent sur l'acte, sur le service rendu. Quand on rend service, sa nature ne compte pas. Qu'il s'agisse de chameaux, de chèvres, de brebis, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est le service, c'est l'acte que Moussa alayhi salam a rendu. Il a abreuvé, peu importe ce qu'il a abreuvé. Donc c'est... Dans cette histoire, les bêtes n'ont pas d'importance. Et puis remarquez la concision éloquente dans la réponse des deux femmes. Nous ne pouvons abreuver notre troupeau, entre parenthèses, que lorsque les bergers seront partis. Notre père est un cheikh âgé. Ils lui ont tout expliqué en peu de mots. Hein? D'accord? Qu'elles vivent seules avec leur père, que leur père est d'un âge avancé, qu'il n'y a pas d'homme dans la maison, etc. D'accord? Donc ils ont procédé par concision. La suite des versets. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il abreuva entre parenthèses leur bête, puis s'en retourna à l'ombre. L'ombre de quoi? Bon, c'était pas intéressant. En disant Seigneur, le moindre bien que tu fais descendre sur moi, j'en suis indigent. Là, c'est une concision. Il n'a pas fait une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit donne-moi au mon Seigneur, donne-moi ceci, aide-moi à faire ceci. Bon, il est en détresse, il a fui les soldats de Pharaon et tout. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Il n'a pas dit sors-moi de cette situation. Il n'a pas fait de demande, mais il a invoqué la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa générosité. Et il a invoqué son indigence, sa faiblesse. Ça, c'est une parfaite invocation. Hein? Il lui dit, voici ma situation, regarde l'état où je suis, et tu es le généreux. Hein? Donc pour être exaucé, il n'y a pas une voie, il n'y a pas une voie meilleure que plus courte que celle de la manifestation de son indigence. Il y a pas c'est ce qu'on appelle iftiqar. C'est ce qu'on appelle l'iftiqar ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas formulé de demande, mais il a invoqué sa faiblesse et il a invoqué la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez ce qu'a dit Ayyub alayhi salam. وأيوب سورات الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Et Ayyub, quand il appela son Seigneur, le mal dont je suis atteint me fait souffrir et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Il n'a pas formulé de demande, il a juste parlé de son état et il a invoqué la miséricorde d'Allah. Il a dit, toi tu es le miséricordieux, le plus miséricordieux de ceux qui se font miséricorde. Manifester l'état d'indigence, c'est l'un des meilleurs moyens pour accéder à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La suite du verset, Fastajabna lahu, nous l'exauçâmes. Ça c'est ce qui rend l'invocation exaucable, c'est ça. C'est de montrer son indigence. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. A dit Younus alayhi salam quand il était dans le ventre de la baleine. Il était dans un état de détresse, dans des obscurités, l'obscurité du ventre, l'obscurité de l'océan, des fonds de l'océan. Et puis la détresse dans laquelle il se trouvait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de cette situation? Il a proclamé l'unicité d'Allah, il l'a exalté, et il a exalté sa transcendance, et il a témoigné, reconnu qu'il fait partie des injustes, il a reconnu son tort. Ça, c'est une supplique parfaite et éloquente. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire à toi, j'étais parmi les injustes. D'accord ? Ça, c'est une vocation propice à l'exaucement. Revenons au verset de la Sourate Al-Qasas. Parce que si on est dans la Sourate Al-Qasas, le verset sur Moussa, alayhi salam. Bon, il a donné à boire au troupeau des deux filles. Et puis la suite. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Puis l'une d'elles vint à lui d'une démarche pudique. Mon père t'invite, a-t-elle dit, mon père t'invite pour te récompenser pour avoir abreuvé, entre parenthèses, notre troupeau. Là, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une phrase qui ont été omis, mais plusieurs phrases. Hein? Parce que si c'était nous qui racontons l'histoire, on va dire bon que les deux filles sont allées voir leur père, ils lui ont raconté l'histoire, et leur père leur a dit, c'est un gentilhomme, appelez-le, je l'invite pour le payer. C'est ça, dans l'esprit de nous, les mortels, les faibles humains, êtres humains, ben c'est comme ça. Là, Tout ce passage-là n'a pas été cité. Le fait qu'ils sont retournés qu'ils sont retournés avec leur troupeau et puis ils ont raconté l'histoire à leur père et puis ils sont revenus. Non, les versets, le Coran, il a passé sous silence tout ce passage-là parce que ça, c'est des choses qu'on comprend. Donc le premier verset, ou le complément du verbe abreuver, une foule de gens qui abreuvaient, je récapitule là, ummatan minan nas yasqun, pas de complément, deux femmes qui retenaient, mra'atayni tazudan, pas de complément, donc pour mettre l'accent sur l'acte et l'acte, l'œuvre, et ça c'est courant dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa annahu adhaka wa abka. Allah fait, et celui qui fait rire et pleure et fait rire qui fait pleurer qui, Hein, là, c'est pour mettre en exergue l'acte, la réalisation de la chose. Hein, d'accord? Que nous sommes sujets au rire et aux larmes. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple de hadf. D'accord? J'ai donné, alors, l'exemple de l'omission du complément. Hein? Alors, maintenant, je passe à un autre exemple, l'exemple de l'omission du sujet, où c'est le verbe qui est omis. Hein? Ou si je reprends le langage des rhétoriciens, je dis l'omission du musnad ilayh, de la chose jugée. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla idha balagati taraqi »« Kalla idha balagati taraqi » Oh, quand elle remontera aux issues de la gorge. Où est le sujet ici? Quand elle remontera aux issues de la gorge. Kalla idha balagati taraqi. Qu'est-ce qui remonte aux issues de la gorge? C'est l'âme, ruh. Hein? Comment je peux le savoir? Comment j'ai pu le savoir? J'ai pu le comprendre du contexte. Parce que la suite, waqila man raq. Kalla idha balagati taraqi, waqila man raq. Qui donc pourrait le guérir? Là? Qui donc pourrait le guérir? Là, il y a aussi omission du complément qui désigne le malade ou l'agonisant. D'accord? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ Lorsqu'il sera convaincu que le moment de la séparation est désormais arrivé. Là aussi, il n'y a pas mention du sujet qui désigne le mourant. D'accord? Donc, là, il y a omission de ruh. إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي Donc, le contexte, j'ai compris d'après le contexte qu'il s'agit du ruh de l'âme. D'accord? Quand elle remontera aux issues de la gorge, je sais qu'il s'agit de l'âme. Et à propos de l'omission du sujet, il y a une finesse rhétorique qu'on trouve notamment dans les versets sur l'eschatologie, les versets sur le jour de la résurrection, le paradis et l'enfer. C'est ce que souvent on constate dans ces versets-là. Les phrases sont à la voix passive. On constate souvent ça. Les phrases sont à la voix passive. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا يَا زُلْزِلَتِ C'est à la voix passive. C'est بني للمجهول. Quand la terre sera secouée. Quand la terre... Qui l'a secouée? Qui a secoué cette terre? وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Dans Sourate Zumar. Les mécréants ont été poussés dans la Géhenne par vagues successives. Qui les a poussés? قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ Dans le verset qui suit celui-là, hein, il leur est dit, entrez par les portes de la Géhenne. Qui a dit? وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ceux qui ont craint leur Seigneur ont été poussés au paradis par vagues. Qui les a poussés? Qui les a poussés? Donc c'est à la voix passive. Ou quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقُضِيَ الْأَمْرِ L'ordre a été décrété. Qui a décrété l'ordre? Hein? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est par exemple le surat Hud, وَقُضِيَ الْأَمْرِ Ou quand il dit, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ C'est un exemple, ça c'est dans le surat قُضِيَ الْأَمْرِ On le peut le trouver dans le surat Hud et ce verset-là, bon, on le trouve dans le surat Al-Baqara. Mais pourquoi le sujet, l'auteur, n'a pas été mentionné ici? Pourquoi le sujet n'a pas été mentionné? Ben pour trois raisons. Pour mettre en valeur l'événement lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour mettre en valeur l'action. Amener le lecteur ou l'auditeur à se focaliser, à se concentrer sur l'événement. Et à mesurer l'ampleur de l'événement. On enlève le sujet et... On concentre l'auditeur, ou le lecteur, ou le récitant, sur l'événement. La deuxième raison, c'est mettre l'accent sur la docilité, la soumission de l'être ou de la chose à l'action exprimée par le verbe. La terre sera secouée. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَلَهَا La terre sera secouée. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زمرة. Les mécréants ont été poussés à la géhenne. La terre, les mécréants subissent l'acte sans pouvoir protester et sans pouvoir résister. Troisième raison, c'est pour montrer la grandeur de l'auteur. Qui est l'auteur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car ses actes, hein, pousser les mécréants dans l'enfer, secouer la terre, décréter l'ordre, ne peuvent provenir que de lui, exalté soit-il. Donc, ce style a un impact sur les cœurs. قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il sera dit, entrez par les portes de la géhenne. Quelqu'un peut résister? Quelqu'un peut protester, peut contester? Non. Donc ça a un impact sur les cœurs. Je donne un exemple de l'omission d'une phrase. J'ai fait allusion à ça précédemment, les versets du Surat al-Qasas sur Moussa alayhi salam. Mais là, je cite un exemple qui me paraît intéressant. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit: « وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. » Allah dit, s'il y a un Coran capable de faire marcher les montagnes, de disloquer la terre et de faire parler les morts, je traduis sans mentionner les termes sous-entendus. S'il y a un Coran capable de faire marcher les montagnes, de disloquer la terre et de faire parler les morts, mais c'est à Allah que revient l'ordre en totalité. Donc j'ai la condition là où, ou là où anna Qur'anan, si, de la particule si hypothétique, s'il y a un Coran capable, bon, de faire marcher les montagnes, là j'ai la subordonnée. Donc si la condition, puis j'ai la subordonnée. Mais où elle est la principale jawab shart, il est où? Le jawab shart de là où il est où? La principale n'a pas été mentionnée. Bon, en la mettant en évidence, elle serait quoi? Si je l'exprimerais comme ça, s'il y a un Coran capable de faire marcher les montagnes, de disloquer la terre et de faire parler les morts, ce sera bien ce Coran-là, ou ce sera bien ce livre. Mais c'est à Allah que revient l'ordre en totalité. Donc cette omission rhétorique, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle excite l'imagination du lecteur, hein, du récepteur, ça le fait réfléchir. Ainsi, quand il parvient à découvrir l'idée sous-entendue, bon, elle se grave dans son esprit. Avec l'omission, Allah subhanahu wa ta'ala fait participer, hein, le lecteur. Il le fait participer dans le texte. Il lui laisse le soin de terminer la phrase. Il y a échange. Mais il y a tout un contexte qui le fait comprendre que c'est celle-là la phrase qu'il faut, ou l'idée qu'il faut. Il y a, si vous voulez, échange. Échange entre Allah et son serviteur. Il y a échange, il y a munajat, entretien secret, entretien intime entre Allah et le récitant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à ceux qui récitaient le Coran, il a dit « Kullukum yunaji rabbah » chacun de vous est en train de s'entretenir avec son Seigneur. N'a-t-il pas dit le hadith que nous avons cité au début, au tout début, à la première leçon de cette série? Le Coran est un moyen symbolisé par une corde. L'une de ses extrémités est dans la main d'Allah et l'autre est à la portée de vos mains. C'est ça ce lien. Allah te pousse à réagir à ses propos et à méditer. Si tu reçois les phrases complètes, à un moment ou à un autre, tu vas te distraire. Hein? Le cerveau ne travaille plus. Hein? Ça, c'est l'une des utilités de la rhétorique qui consiste en la concision. En la concision. Et puis même, ce verset-là, s'il y a un Coran capable de faire marcher les montagnes, de disloquer la terre et de faire parler les morts, la phrase passée sous silence, c'est « ce sera bien ce Coran ». Et d'autres exégètes ont dit que la phrase sous-entendue, c'est les mécréants n'y croiront pas. C'est-à-dire, s'il y a un Coran qui fait tout ça, qui fait marcher les montagnes, etc., ben les mécréants n'y croiront pas. Et puis, bon, selon l'une des règles de l'exégèse, ces deux phrases peuvent être les deux voulues par le contexte. C'est-à-dire, et là, ça me donne tout un ensemble de phrases et pas une seule phrase sous-entendue. Donc, ça, c'est l'une des sagesses, hein, de la rhétorique qui procède par omission. D'accord? Alors, nous allons passer à l'autre type de concision. Nous avons dit qu'il y a concision qui consiste en l'omission, en le hadf, ou des phrases, des mots sont enlevés. Et la deuxième, de l'autre type de concision, qui est la concision qui consiste en l'abrégement, la concision proprement dite, hein, l'abréviation, l'abrégement, le résumé. Ijaz ou al-qisar, c'est le fait d'exprimer plusieurs idées en peu de mots. Ça, c'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: j'ai reçu le don d'exprimer des paroles de synthèse. D'accord? Ça, c'est courant, on le connaît dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le al-hajj arafah. Le pèlerinage, c'est la station de Arafah. Ça, riche en signification. Et quand il a décrit, il a décrit l'ihsan, la perfection, il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc ça résume la perfection. Ça, en peu de mots, ça résume tous les aspects de l'ihsan, de la bienveillance, de la perfection. D'accord? Et quand il dit aussi le beau-frère, c'est la mort, al-hamu al-maut. C'est riche en signification. Que ça, le beau-frère, c'est la mort. Ça veut dire que s'il s'isole avec sa belle-sœur, bon, il peut y avoir des problèmes, rupture, divorce, fornication, adultère, et peine légale, etc. D'accord? Et la fin de la vie de la figure conjugale de la femme, etc. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui exprime beaucoup d'idées en peu de mots. La sourate l'Ikhlas, par exemple, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, dit il est Allah, il est un Allah le Samad. Samad, ça veut dire le parfait, qui n'a besoin de personne et que tous les autres ont besoin de lui. Remarquez ici le Samad, un seul mot. Pour le traduire, ben il faut deux phrases ou trois phrases. Hein. Allah le Samad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ben, cette sourate, il exprime beaucoup d'idées, en peu de mots. Elle résume le tawhid en quelques versets. Le verset, par exemple, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allah ordonne la justice et la bienfaisance, la libéralité à l'égard des proches, et il a interdit les turpitudes et les actes blâmables, les turpitudes, les actes blâmables et le dépassement de mesure, al-bari. Là, t'as une parole vous avez une parole qui résume toutes les prescriptions de la religion. Parole de synthèse. La fourmi dans l'histoire de Suleyman, عليه السلام دون سورة النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Une fourmi dit: ô vous les fourmis, rentrez dans vos demeures, que Salomon, Suleyman, vous écrase avec ses soldats sans qu'ils ne s'en rendent compte. Dans une seule phrase, il a employé l'interpellatif: ô ya ayuha. Hein? Et il a attiré l'attention, nabat avec le ha, ya ayyuha, et il a ordonné, il a donné, rentrez, dholu masakinakum, rentrez dans vos demeures, et il a averti, la yahtamannakum, il a averti que Suleyman ne vous écrase pas, hein? Et il a nommé, bon, les fourmis, naml, ya ayyuha naml, et il a généralisé, hein, les soldats. Il a parlé, il a généralisé en citant les soldats, et il a spécifié en citant nommément Suleyman, et a justifié le geste des soldats, il a dit, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Les rhétoriciens ont recensé ici 11 types de styles dans cette seule phrase. Il y a beaucoup d'exemples. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Ô fils d'Adam, prenez votre parure lors de tout toute prière, mangeait et buvait et n'outrepassait pas, car Allah n'aime pas ceux qui outrepassent, qui dépassent les mesures. Donc ça, dans Surat Al-A'raf, ce verset-là, il résume beaucoup de choses. Vous avez ici un rappel, un appel, Ya Bani Adama, vous avez une généralité, Ya Bani Adama, l'ensemble des fils d'Adam, vous avez un ordre, vous avez une permission de boire et de manger, les choses licites bien sûr, vous avez une interdiction de l'excès, vous avez une information, donc plusieurs styles dans une seule phrase. Vous pouvez trouver ces finesses dans les livres de rhétorique, hein. Notamment les explications du résumé du livre Miftah al-Ulum. Miftah al-Ulum, comme j'ai dit, c'est un livre de la Balara de Sakaki. Il est mort en 622 de l'Hégire, il y a 8 siècles. Et ce résumé, il a été fait par le Miftah al-Ulum. Miftah al-Ulum, c'est le livre de Sakaki. Et il a été résumé. Il a été résumé par le Qazwini. C'est un savant, Jalal al-Din al-Qazwini, il est mort il y a 7 siècles. Les rhétoriciens furent séduits par ce résumé qu'a fait le Qazwini et l'ont expliqué. Ils ont expliqué ce résumé-là. Parmi ceux qui l'ont expliqué, il y a Sa'd al-Din Taftazani, il est mort en 792 de l'Hégire. Il y a Baha al-Din Subki, de la même époque à peu près. Dans son fameux livre, parce que Subki a très bien fait l'explication de ce livre, de ce résumé, dans son fameux livre Arous al-Afrah fi Sharh Talkhis al-Miftah. Arous al-Afrah, il est beaucoup mentionné dans l'Itqan de Suyuti. Et on trouve aussi ses finesses rhétoriques dans le livre d'exégèse Al-Bahar al-Muhit d'Abu Hayyan, l'Andalusi, le savant de l'Espagne musulmane. Nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle l'itnab, qui est l'opposé de la concision. Moi, je peux le traduire par développement, je peux le désigner par le terme prolixité, sauf que ce terme comporte une connotation négative. Dans le sens de prolixité, le sens de longueur explicite, et longueur excessive, ennuyeuse, ce qui n'est pas le cas du livre d'Allah, du Coran, dans ses développements. Et quand la prolixité est éloquente, on parle de itnab. Bon, alors l'itnab, c'est une prolixité éloquente. Et quand elle ne l'est pas, c'est là qu'on parle de ishab. Alors l'itnab ou la prolixité éloquente, c'est le fait d'exprimer une idée avec plus de mots, ce qui est plus de mots que ce qui est d'usage dans un milieu déterminé, parce que la question, elle dépend des cultures. Bon, l'itnab, il se présente sous plusieurs aspects dans les suivants. Alors, on distingue la mention du particulier, le khas, après le général. On distingue la mention d'un mot, d'une phrase à portée particulière, après une phrase à portée générale. Comme dans la surat al-Qadr, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laylatul Qadri khayrum min alf shahr » تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Alors la nuit du Qadr est préférable, la nuit du destin, la fin du mois de Ramadan, la nuit du Qadr est préférable à 1000 mois. Au cours de celle-ci, تنزل الملائكة والروح فيها, au cours de celle-ci, descendent avec la permission de leur Seigneur les anges et l'esprit pour exécuter tout ordre divin. Les anges et parmi les anges, l'esprit pour exécuter tout ordre divin. Les anges, c'est en général. Et l'esprit c'est qui? C'est Jibril. C'est particulier. Donc le verset a cité les anges, puis il a cité Jibril, qui fait partie des anges. Donc il a généralisé puis spécifié. Pourquoi? Pour mettre en évidence l'éminence de Jibril alayhi salam. D'accord? C'est comme lorsqu'on dit les gens sont venus avec les gens sont venus et aussi le directeur de l'école, c'est-à-dire pour préciser que un homme éminent est venu, d'accord. Un autre exemple, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دون سورة البقرة. Celui qui est hostile à Allah, à ses anges, à ses envoyés, à Jibril, à Mikaël, Allah est l'ennemi des mécréants. Alors, Jibril et Mikaël sont des anges. Et Allah les a mentionnés particulièrement. Après avoir cité les anges, il les a mentionnés pour montrer leur importance. Parce que Jibril, il est chargé de la révélation. Hein? Révélation, source de la vie spirituelle, source de la vie de l'âme. Et Mikaël, qui est chargé de la pluie, source de la vie hein, du corps. Donc, ce n'est pas un pléonasme. Ce n'est pas un pléonasme ou de la prolixité dans le sens négatif. Hein, c'est un développement éloquent et riche en enseignement. Autre aspect de l'itnab, c'est la mention du général après le particulier. C'est l'inverse du précédent. Allah subhanahu wa ta'ala, il relate cette invocation de Nuh alayhi salam où il dit Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wa lil mu'minina wa lil mu'minat. Ça c'est dans sourate Nuh. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, à quiconque entre dans ma maison en tant que croyant, aux croyants et aux croyantes. Donc il a particularisé, ça va du particulier au général, pardonne à moi, à mes parents, à quiconque entre dans ma maison en tant que croyant, et aux croyants et croyantes en général. Donc ça c'est un manège qu'il faut suivre dans sa vie, commencer par soi-même, entretenir son corps et sa foi, l'éduquer, puis passer à ses parents, à sa femme et ses enfants, puis l'entourage grandit, bon, les proches, etc. Jusqu'à grandir le cercle petit à petit. Hein. Autre aspect de l'itnab, il y a la répétition. La répétition d'un mot pour l'affirmer et mettre l'accent dessus. Dans le Coran, bon, il y a beaucoup de répétitions de ce genre. Dans Sourate Ar-Rahman, فبأي آلاء ربكما تكذبان. Vous deux, c'est-à-dire les djinns et les humains, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? فبأي آلاء ربكما تكذبان. Quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? La raison de cette répétition, se répète. فبأي آلاء ربكما تكذبان se répète plusieurs fois dans Sourate Ar-Rahman. La raison, c'est d'ancrer cette vérité dans le cœur de la personne. L'immense faveur d'Allah et ses multiples bienfaits. Toute la sourate énumère les bienfaits d'Allah, qui sont les effets de quoi? De la miséricorde, du tout miséricordieux, de la miséricorde d'Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaq al-insan, allamahu al-bayan. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, a enseigné le Coran. Bienfait. Et quel bienfait! A créé l'homme, un autre bienfait, quel bienfait! Lui a appris à s'exprimer clairement, et un autre bienfait. Donc c'est une répétition dont on ne se lasse pas. Il énumère les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il rappelle. Fabi, ay ala rabbikuma tukaziban. Bon, il y a d'autres exemples. Al-qari'a. La fracassante, et qu'est-ce qui te fait comprendre ce qu'est la fracassante? Ça, il rappelle le jour dernier. Ah, c'est un style percutant, d'accord? Al-Qari'a, il y a plusieurs exemples. Bon, un autre aspect, c'est la phrase, l'aspect de l'itnab, hein, de la prolixité éloquente, c'est la phrase explicative, hein, c'est-à-dire ou la phrase qui confirme celle qui la précède. Par exemple, quand Allah il dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ سورة البقرة. Celui qui n'en trouve pas, ça veut dire celui qui ne trouve pas l'offrande à sacrifier, le pèlerin qui ne trouve pas l'offrande à sacrifier, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours lorsqu'il reviendra chez lui. Là, j'ai compris. Mais la suite, il y a une phrase qui confirme. Il dit, c'est là 10 jours entiers. Tilka asharatun kamila. C'est là 10 jours entiers. Ça pour, c'est une explication pour ne pas croire qu'on a le choix entre les 3 jours de pèlerinage et les 7 jours chez soi. Parce que parfois, la conjonction wa, ça peut prendre le sens de au, la conjonction de choix optatif. L'autre exemple, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Ça c'est dans Sourate l'Anbiya. Hein, nous n'avons doté aucun homme avant toi de l'immortalité. Alors, si tu meurs, si toi tu meurs, étaient-ils eux des immortels, toute âme goûtera la mort. Donc, nous n'avons doté aucun homme avant toi de l'immortalité. Ça veut dire que toute personne va mourir. Alors, si tu meurs, étaient-ils eux des immortels? Donc, ça, c'est ça, une question mais qui affirme qu'ils sont des mortels. Et puis, la fin. Toute âme goûtera la mort. Là, c'est une phrase qui confirme. Donc, j'ai ici un développement. Autre aspect de l'itnab, de la prolixité éloquente, c'est ce qu'on appelle istiqsa. C'est l'amplification. L'amplification, c'est le fait d'épuiser une idée. De l'épuiser. J'ai un exemple ici. Bon, exemple qui est éloquent. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. L'un d'entre vous aimerait-il avoir un jardin planté de palmiers et de vignes sous lesquels couleraient des cours d'eau, un jardin qui lui donnerait toutes sortes de fruits et que, atteint par la vieillesse et ayant des petits-enfants, voit un vent porteur de feu incendier ce jardin. Ça, dans Sourate al-Baqarah. Ça, c'est un exemple de celui qui fait le bien et qui le détruit par la suite, il le détruit par le péché, par le l'ostentation, puisque le verset qui précède parle de l'ostentation. L'ostentation et par aussi le mène en faisant étalage des faveurs qu'on fait aux gens, parce que quand on fait étalage des faveurs qu'on fait aux gens, bon, ça détruit les bienfaits qu'on leur a fait. Attention, on les vexe par ce genre de rappel. Donc ça, c'est l'exemple de celui qui fait le bien, qui le détruit par ça, par le péché, par l'ostentation, par le mène, vexer les gens. En leur rappelant les faveurs qu'on leur a fait, ou le shirk carrément. Donc le jour de la résurrection, cette personne, il s'attend à ce que le bien qu'il a fait lui sera utile, mais là il verra qu'il n'en est rien. Ses œuvres seront réduites, hein, rendues vaines, hein, à cause des péchés qu'il a commis. Donc ce verset, il compare son état, l'état de la personne qui sera déçue le jour dernier de voir ses péchés réduits à néant, ses bonnes actions réduites à néant. Ben, ce verset, il compare son état à l'état de quelqu'un qui a un jardin, puis ce jardin a été détruit par une tempête. D'accord? Si le verset s'est contenté de la phrase « L'un de vous aimerait-il avoir un jardin, puis ce jardin fut détruit par une tempête », ce serait suffisant. Mais celui-là, le verset, il a fait l'itnab, il a amplifié, il a épuisé l'idée. Celui qui accomplit des œuvres pies, puis a commis le shirk, ses œuvres sont réduites à néant. Mais là, le verset, il a bien détaillé, comme j'ai dit, il a bien détaillé un jardin planté de palmiers et de vignes. Hein? D'accord? Là, le regret sera bien sûr plus grand. Hein? Perdre un jardin de palmiers et de vignes. Et le verset ne s'est pas limité à ça. Il a dit jardin planté de palmiers et de vignes sous lesquels coulaient des cours d'eau. Plus encore, ce jardin lui donne toutes sortes de fruits. Et le verset est allé encore plus loin. Il a décrit l'état du propriétaire de ce jardin. Il a dit atteint de vieillesse. Hein? Et encore plus, c'est là des enfants à charge. Ces enfants sont en bas âge, sont faibles. Dans ce jardin qui est sa source de subsistance, il a été tout d'un coup, il a été brûlé. Jardin incendié par la tempête. Et cette tempête, elle est accompagnée de feu. Imaginez le regret qui rongera un tel homme. D'accord? Donc, c'est un etnab éloquent, c'est une prolixité éloquente. D'accord? Et on distingue aussi, bon, parmi les aspects de l'etnab, il y a la proposition incise. La proposition incise. C'est une proposition indépendante syntaxiquement, hein, insérée dans une phrase pour éclaircir un point qui pourrait être mal compris. Comme dans le verset suivant, wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ils attribuent à Allah des filles, et là j'ai une phrase incise, proposition intérieure, subhanahu, à sa transcendance ne plaise. À sa transcendance ne plaise. Il est trop transcendant pour se voir attribuer des filles. Ils attribuent à Allah des filles, subhanah. Phrase qui vient à l'intérieur, qui s'insère. Hein? À sa transcendance ne plaise. Tandis qu'il se réserve ce qu'il désire. Ils attribuent à Allah des filles, tandis qu'il se réserve les choses qu'il désire, des garçons. Hein? Et Allah, dans ce verset, il y a ce petit subhana entre les deux phrases. À sa transcendance ne plaise. Ça, c'est une phrase qu'on appelle la proposition incise, qui est un aspect de l'itnab. Voilà, bon, nous avons terminé. Bon, il y a un autre thème qui s'appelle l'wasl wal-fasl, hein. La conjonction et la disjonction, ça, même l'imam Suyuti n'en a pas parlé dans son litrane. Bon, les rhétoriciens en ont parlé. Bon, je me contente de ça concernant ilm al-ma'ani. Ilm al-ma'ani, des significations. Inch'Allah, bon, la prochaine fois, on va traiter le sujet du badi', des procédés esthétisants. Voilà, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.